Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups Humains. Cette semaine, attentat du 13 novembre, les dessous d'un procès historique, une série de Michel Pomared, réalisée par Julie Béressy. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que ce 8 septembre 2021 a commencé le procès hors du commun qui, pendant 9 mois, va tenter de retracer et de comprendre chaque rouage qui a mené à ces actes de terrorisme. Un procès dans une salle sur mesure dans laquelle on vous a fait entrer et qui sera filmé et archivé pour la mémoire collective. Et dans vos oreilles, aujourd'hui, des micros, des caméras et un réalisateur qui a filmé le procès de Maurice Papon et se souvient encore des questions qu'il s'est posées pour trouver la bonne distance et le cadre juste dans le théâtre de la justice qui voulait garder une trace d'un moment d'histoire. Mais pour commencer, dernier épisode, on écoute des archives. Attentat du 13 novembre 2015, les dessous d'un procès historique. Michel Pomared, Julie Béressy. Des débats filmés pour les archives nationales. 1987, procès de Klaus Barbie, présenté par le journaliste judiciaire Paul Lefebvre. La salle des pas perdus du palais de Lyon a été aménagée pour contenir environ 700 à 800 personnes. Je crois qu'il y en a beaucoup plus maintenant déjà. Et cette salle a une histoire finalement parce que depuis sa construction, le palais de Lyon est beaucoup trop petit. Il a été construit en 1842 par Louis Baltard et dès la fin de sa construction, on a été obligé d'ajouter deux bâtiments et deux niveaux qui ont été achevés en 1969. On doit depuis longtemps à Lyon construire une cité judiciaire, mais on l'attend encore. Voici maintenant la sonnerie qui annonce l'arrivée de la cour. Voici le président André Sardini. La cour. Le président André Sardini, 58 ans, président de la cour d'assises du Rhône depuis 3 ans. L'audience est ouverte. Je demande au service d'ordre d'introduire l'accusé, s'il vous plaît. Sylvie Lindberg, vous êtes historienne et professeure à Paris 1. À partir de septembre 2021, donc, se tient le procès des attentats multiples du 13 novembre 2015, mais aussi le film de ce procès qui va être destiné aux archives nationales. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision de la justice française d'enregistrer pour l'histoire ce procès ? Alors, ce procès, comme le précédent des attentats de janvier 2015, est enregistré dans le cadre de la loi Badinter de 1985. Et cette loi Badinter a mis fin au bannissement des caméras dans les prétoires qui a été mis en place en 1954. L'esprit de cette loi, c'est en effet de filmer des procès qui ont un intérêt pour l'histoire, et de le faire dans des conditions très encadrées pour produire des images pour les archives et véritablement dans une visée anti-spectacle. Donc si les caméras avaient été interdites en 1954, c'est à la suite des débordements médiatiques de l'affaire Dominici. Et à cette époque, c'était des caméras d'actualité qui filmaient véritablement dans une visée, pour le coup, spectacle, avec des effets de dramatisation et en valorisant les moments les plus spectaculaires des audiences. Là, on est vraiment dans une visée totalement contraire. Donc on filme pour les archives et avec un cahier des charges strict qui cherche au fond un petit peu à refroidir les passions, hein, et à tenter d'accéder à ce que je considère comme une impossible objectivité, mais avec l'idée finalement que ceux qui filment ne doivent pas au fond apporter leur empreinte sur les images filmées. Le cahier des charges prévoit donc d'abord de suivre le fil de la parole, ce qui veut dire que, à quelques exceptions près, les personnes qui écoutent ne sont pas filmées, ce sont celles qui parlent. Par ailleurs, un certain nombre de procédés qui étaient utilisés très fréquemment par la télévision, comme le zoom, les très gros plans, sont également proscrits, et il faut essayer de respecter l'équité et l'égalité de traitement entre toutes les parties. C'est ça le principe de la loi Badinter, qui va être appliquée dans ce procès des attentats du 13 novembre. novembre, comme il a été appliqué précédemment depuis le premier procès filmé dans ce cadre-là, qui est le procès Barbie. Voici précédé de ses gardes, Klaus Barbie. Il faisait régner la terreur. Aujourd'hui, la justice lui demande des comptes. Veuillez vous asseoir, monsieur l'accusé. Asseyez-vous. La justice, celle du code pénal, c'est-à-dire celle qui doit équilibrer l'accusation mesdames et messieurs, et la défense. 8 septembre 2021 s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015. Une salle d'audience a été créée dans la salle des pas perdus du palais de justice. Une régie est à côté de cette salle d'audience. À l'intérieur de cette régie, un réalisateur, des techniciens qui obéissent à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, c'est vous, Rada Marinova, qui êtes responsable audiovisuel ici au ministère de la Justice, qui l'avez conçu. Expliquez-moi la genèse du projet. Donc effectivement, le cahier des charges est un document, une convention, un contrat entre notre prestataire technique qui sera le réalisateur technique qui opérera tout le long du procès en régie, la juridiction qui nous saisit pour cette captation pour constituer des archives et le ministère de la Justice que je représente. Ce cahier des charges en réalité précise les missions de chacun. Il y a aussi des annexes relatives à, au secret, enfin à la confidentialité, les métadonnées qu'il faut remplir pour détailler les fichiers pour les archives nationales et aussi un guide pratique ou on peut appeler ça de la réalisation pour permettre aux équipes de bien comprendre ce qu'elles ont droit de faire et quel est leur périmètre au niveau de la réalisation. Automatiquement, ce que M. Badinter préconisait en 85, c'est-à-dire deux caméras en champ contre champ, ne fonctionne plus aujourd'hui et nous sommes obligés de nous adapter à une autre dimension. Dans d'autres procès, il y avait des rediffusions parce qu'on ne pouvait pas faire rentrer toutes les personnes dans une même salle, il y avait des rediffusions d'images dans des salles annexes, c'était souvent un plan large, fixe, qui ne permettait pas ni aux parties civiles ni aux journalistes de réellement assister au procès. Pour la première fois, avec Charlie Hebdo, nous avons pris la décision, étant donné qu'on enregistre et qu'on met... des moyens dans une réalisation qui se fait en direct de toutes les caméras, on trouvait qu'il fallait aussi faire profiter les parties civiles et les journalistes dans les salles annexes de ce même flux réalisé. À partir du moment où il ne sort pas de la juridiction, nous restons dans le respect de la loi du Code du patrimoine. Et ensuite, bien sûr, c'est enregistré et transmis selon la procédure au ministère de la Culture qui conservera et mettra à disposition les images. Rada Marinova, est-ce que vous avez le plan de la salle et la disposition des caméras ou est-ce que vous pouvez me le dessiner comme ça sur une feuille? Oui. Alors vous avez donc la salle, voilà, nous avons la régie qui est ici. Ici nous avons une première caméra qui va couvrir en grand angle avec un vue d'oiseau, l'ensemble de la salle. Donc ce plan est un plan fixe que nous allons laisser en deux valeurs de plan, soit très très large, soit la moitié de la salle, c'est-à-dire moyen large. Ensuite nous avons ici une caméra qui va couvrir ce qu'on appelle le plateau de jugement, enfin ici. Et puis ici nous avons une caméra, nous avons le box des accusés, les parties civiles, la cour, les greffes, le parquet, la barre des témoins, l'huissier ici et là, la table avec les pièces à conviction. Donc ici nous allons avoir une autre caméra. Au centre de la salle, nous avons une caméra qui sera essentiellement là pour filmer la cour de face. Puis au niveau de l'une des extrémités à jardin du box des accusés, nous avons une autre caméra. Puis à l'autre extrémité, toujours à jardin, nous avons une autre caméra. Du côté des parties civiles à cour, nous allons avoir une caméra, puis une deuxième à l'autre extrémité. Et enfin, nous avons deux caméras qui se situent derrière la cour et qui vont essentiellement filmer la barre des témoins, ou les avocats des parties civiles, ou à l'inverse, le box des accusés. Voilà, donc cette couverture nous permet d'avoir des axes avec des raccords champ contre champ, donc c'est la base de la réalisation multicaméra, et aussi de couvrir en faisant des plans moyens ou plans poitrine lorsque les gens prennent la parole. Pourquoi ? Parce que, en fait, toute la base de cette réalisation, si on doit rentrer dans le détail de comment on travaille pour filmer un procès qui sera peut-être vu dans quelques années par des spectateurs qui n'y connaissent rien, l'idée c'est de leur faire comprendre un maximum ce qui se passe pendant le procès sans le dénaturer, tout en respectant les débats et tout en respectant la procédure pénale. La procédure française est une procédure orale et contradictoire. Donc le président est réellement le vrai réalisateur du procès puisqu'il distribue la parole. Nous sommes là pour l'aider à mettre à filmer cette prise de parole sans dénaturer du tout les propos de la personne, et ça passe effectivement par une réflexion au niveau du cadrage. Le but est de restituer et de concentrer le spectateur sur ce que dit notre interlocuteur. David Martin, vous êtes le prestataire de service, comme on dit au ministère de la Justice, pour la captation filmique et audio du procès des attentats de 2015. Est-ce que vous pourriez détailler les équipes, le procédé et presque même l'éthique de votre travail par rapport à ce procès ? Dans le cadre du procès V13, vendredi 13, et pas uniquement le Bataclan en fait, c'est plus large que ça, on est sur un nombre de caméras bien plus impressionnant que les procès précédents, c'est-à-dire qu'en général on était plutôt sur 4-5 caméras, là on est sur 8 caméras, donc beaucoup plus de caméras, et un procès très long, puisqu'on est entre 6 et 8 mois de procès. Et à partir de là, au niveau équipe, ça mobilise quand même un nombre de personnes plus conséquent, c'est-à-dire qu'on est sur une équipe d'une quinzaine de personnes, puisqu'on va avoir 3 équipes qui vont tourner chaque semaine, avec un décalage entre chaque équipe pour bien permettre la transmission des informations au fur et à mesure. Mais voilà, donc on a à chaque fois 3 équipes de 5, avec 5 postes bien déterminés. On a un poste de réalisateur qui va vraiment faire le choix du plan qu'il va diffuser, toujours dans le cadre du respect du cahier des charges. On a un opérateur tourelle qui, lui, va préparer l'ensemble des plans qui auront été aussi déterminés dans ce cahier. On a un ingénieur du son. Et puis, on a un responsable web radio. Et en dernier, on a un responsable production qui, lui, est plus là pour s'assurer que tout se passe bien au niveau de l'équipe. Enfin, voilà. Est-ce qu'on peut rentrer dans le détail de la valeur des plans de chaque caméra choisie, puisqu'il y en a 8 ? Rada Marinova a décrit sur ce papier la salle d'audience, le positionnement des caméras. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Est-ce que ça, c'est du grand angle ? Est-ce que ça, c'est du plan américain ? Rentrez dans les détails. Alors, l'ensemble des caméras, ce sont des caméras tourelles, robotisées. Donc ça veut dire qu'on a la main sur ces caméras depuis la régie. On va avoir, en fait... une première caméra qui va être effectivement la caméra en fond de salle, qui elle est plutôt plan large, fixe, il y aura une seule valeur de plan, donc on est sur du grand angle. Et après, pour les autres caméras, en général, on détermine entre 2 et 3 plans avec différentes valeurs pour pouvoir répondre aux différents axes qu'on va avoir en fait, et les intervenants qui vont pouvoir réagir pendant tout le procès. Rada Marinova disait que le président du tribunal, c'est quasiment le vrai réalisateur du film du procès, puisque c'est lui qui distribue la parole, qui ouvre et qui ferme les micros. Qu'est-ce que vous pensez de ce dispositif d'un homme qui incarne la justice et qui, en plus, se retrouve à avoir ce rôle ? Alors, effectivement, le président reste le grand réalisateur et on dépend de ses choix. Alors, on dépend de ses choix, mais ces choix-là, ils sont arrêtés... en général, avant le procès. C'est-à-dire que pendant le procès, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais avant le procès, dans le cadre de l'élaboration du cahier des charges, c'est-à-dire qu'en fait, on détermine avec Rada Marinova, on va déterminer les valeurs de plan. C'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment. On regarde, en fait, pour avoir des plans les plus... alors à la fois les plus esthétiques possibles, en même temps les plus cohérents, et qui vont être... les plus neutres possibles, quand même. L'idée étant de ne pas avoir un parti pris dans les différents intervenants. Donc on trace l'ensemble de ces plans-là, et après on les présente, en fait, dans le cahier des charges, auprès du président, qui, lui, va valider ces plans. Les plans sont arrêtés à ce moment-là, et après, une fois que le procès se déroule, alors le président a toujours cette possibilité de décider de stopper l'enregistrement, d'arrêter le procès s'il y a un incident, s'il y a quoi que ce soit. Mais enfin, jusqu'à maintenant, dans tous les procès qu'on a pu faire, ça ne s'est jamais produit. Mais voilà. Mais il garde quand même cette possibilité-là. C'est ce qui est inscrit dans la loi, hein, finalement. Donc voilà. Le président d'un tribunal, il est en charge de la police du tribunal, mais les avocats, c'est leur droit, peuvent prendre la parole comme ils le veulent dans les procès non filmés. Là, ils vont être obligés de demander la parole de manière plus circonscrite, appuyer sur une touche, que le président veuille bien leur donner. Est-ce que ça ne circonscrit pas une forme de liberté dans l'audience ? Alors, en même temps, l'intervention, c'est toujours le président qui donne la parole, hein, enfin, dans tous les procès. Là, on a. C'est vrai qu'il y a cette contrainte de bien enregistrer le son. Si on n'a pas le micro d'ouvert, en fait, nous, on ne va pas pouvoir capter le son, on ne va pas pouvoir enregistrer la personne qui intervient. Alors là, on est quand même dans un cas très particulier où on a une salle immense. Donc, de toute façon, une personne qui ne parle pas dans le micro, on ne l'entendra pas. Donc, elle est obligée quand même d'avoir cette ouverture de micro. C'est vrai que dans un procès, dans une salle plus réduite, un avocat peut plus facilement intervenir sans avoir ouvert son micro. Mais en général, si le président ne lui a pas donné la parole, il va lui demander quand même d'attendre son tour. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a aussi cette contrainte-là. Alors, c'est pareil, c'est le président, bien évidemment, qui décide de donner la parole. Mais nous, derrière, en régie, on a aussi la main sur l'ensemble des micros. Alors normalement, on n'y touche pas. C'est pas à nous de le faire. C'est vraiment le président qui a cette responsabilité-là. Mais on est plus là s'il y a un problème technique. Finalement, le président, on voit qu'il a donné la parole, mais il a oublié d'ouvrir le micro parce qu'on est sur un avocat qui porte assez fort. Enfin, nous, là, on va venir ouvrir le micro, rattraper. Voilà. Ou s'il y a un autre micro qui reste ouvert, qui traîne, on va le refermer. Enfin, voilà. On va essayer d'optimiser un petit peu au niveau technique. La circulation qu'on entend derrière nous, c'est celle du boulevard du Palais. Nous sommes en face du Palais de Justice. Et c'est de ce Palais de Justice que vous sortez, Maître Christidis. Qu'est-ce que vous y faisiez en cet après-midi estival ? Eh bien, nous assistions à une réunion avec le président qui va siéger lors de la cour d'assises spéciale pour juger les attentats du 13 novembre, qui nous présentait un petit peu le planning qu'il entendait programmer. Sachant que le planning aujourd'hui n'est pas encore définitif et qu'il travaille encore dessus. Comment est la salle ? La salle est très grande, très longue. Après, c'est vrai que c'est une jolie salle. Maintenant, est-ce que ça fait vraiment enceinte judiciaire ? C'est un peu compliqué. Mais en même temps, ça permettra quand même d'accueillir le maximum de parties civiles au sein de la salle d'audience principale. C'est-à-dire que, Maître Christidis, là, vous êtes assise à l'endroit même où vous allez siéger en septembre ? Oui, alors on essaiera finalement de tourner pour qu'il n'y ait pas toujours les mêmes avocats présents au sein de la salle d'audience. Mais en tout cas, on était effectivement assis là où sont les places réservées aux avocats de partie civile. En face de nous, il y avait les avocats de la défense et puis le président était à sa place. Le parquet était également assis à sa place. Vous avez testé donc les prises de parole au sein de la salle d'audience. D'habitude, comment ça se passe quand on prend la parole dans une salle d'audience, Maître Christidis ? Alors habituellement, c'est le président qui a la charge de l'audience et puis la police de l'audience et qui peut donner la parole, mais en tant qu'avocat, on peut intervenir à tout moment et voilà, s'indigner éventuellement d'une situation ou poser une question si le président ou la présidente nous donne évidemment la parole. Mais voilà, on a le droit d'intervenir dans ce procès et avec cette salle d'audience et avec les micros puisque le procès sera filmé et diffusé dans d'autres salles d'audience, et puis il y aura également la web radio qui sera mise en place. Là, il faudra en fait appuyer sur un bouton, donc notre micro sera vert et clignotera, et le président seulement pourra ouvrir notre micro et nous donnera à ce moment-là la parole. Donc on ne pourra pas prendre la parole de façon spontanée, il faudra que le président nous autorise à parler et c'est lui qui déterminera l'ordre d'ailleurs dans lequel nous pourrons intervenir. Est-ce que vous avez une perception de l'état dans lequel le président, qui donc est déchargé de toutes ses fonctions depuis un an pour préparer ce dossier, et dans un cours d'audience d'un procès aussi massif en émotion et en histoire, en plus il doit gérer l'ouverture et la fermeture des micros. Est-ce que c'est gérable pour un même homme ? Alors, ce sera à la disposition de la Cour, donc il ne sera pas tout seul, il y aura des assesseurs qui seront présents, qui pourront, je pense, également avoir cette police de l'audience à ses côtés. Il est assisté d'une conseillère principale, en fait, première désignée, qui le seconde depuis de nombreux mois dans la gestion de ce dossier, dans la connaissance du dossier. Martin, pour un procès historique comme ça, est-ce que c'est l'audible ou est-ce que c'est l'image qui va présider au film ? C'est une bonne question. J'aurais tendance à dire l'image. Bon, les deux sont importants, évidemment, mais s'il fallait faire un choix, quand même, l'image, on sait bien, enfin, dans les métiers de l'audiovisuel, on sait bien qu'un silence, ça veut dire beaucoup, qu'une posture, ça veut dire beaucoup. Et donc, je pense que l'image est quand même plus importante, enfin amène plus de choses que le son. Voilà. Mais l'image, en télévision, au cinéma, c'est l'émotion. Comment faire avec la neutralité qui fait partie de votre cahier des charges et cette émotion qui est inhérente à ce procès qui en est beaucoup chargée ? Oui, c'est d'ailleurs pareil, une vraie réflexion là-dessus. Ce qui est formidable, c'est justement le travail qu'on a avec le ministère de la Justice, c'est qu'on va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se permet de se poser cette question-là en se disant, effectivement, on reste bloqué aujourd'hui dans une neutralité qui est peut-être un peu exagérée et finalement qui nous empêche de montrer aussi ce qui se passe en face, comment est perçu un regard, enfin voilà. Donc, alors l'idée, c'est pas non plus de tomber dans de la mise en scène, mais on travaille à justement essayer de manière régulière, quand on a une intervention, de pouvoir avoir quand même quelques plans de coupe qui permettent d'avoir en face la personne qui écoute, d'avoir un peu un échange comme ça et d'essayer de dynamiser un petit peu et en même temps d'apporter cette richesse et cette émotion, quoi, d'essayer de la retransmettre au mieux, quoi. Imaginons qu'un accusé ait la parole, que le président l'interroge. Est-ce qu'on peut imaginer un plan de coupe sur une victime qui l'écoute ? C'est exactement à ça que va servir le cahier des charges. C'est-à-dire que c'est ce qu'on détermine dans le cahier des charges. C'est qu'est-ce qu'on a le droit de faire et à quel moment. Et si on a le droit de le faire, quelle est la valeur qu'on va utiliser ? C'est-à-dire qu'en fait, on cherche à avoir quand même à amener un peu cette liberté-là. Mais en même temps, il faut le faire intelligemment, pas que ça parte dans tous les sens. Il faut poser des règles, effectivement, qui soient cohérentes sur l'ensemble des procès. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec « vous avez eu un parti pris, vous avez fait le choix de mettre en avant », enfin voilà. Donc on est très vigilant là-dessus, et c'est pour ça qu'on le détermine. C'est-à-dire qu'on se dit « ben voilà, effectivement, on a quelqu'un qui intervient assez longtemps. Si cette personne parle de telle ou telle victime et tout, est-ce qu'on s'autorise un plan ? Quel plan ? Et au bout de combien de temps, à quel moment, voilà. Et si on passe ce plan-là, on va se mettre d'accord sur une durée aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur le plan pendant 2 minutes, 3 minutes, mais peut-être 15 secondes. Enfin voilà. Donc tout ça, on détermine vraiment dans le cahier des charges. Rada Marinova, qui s'occupe de l'audiovisuel au ministère de la Justice, dit que le vrai réalisateur de ce film, c'est le président du tribunal. C'est lui qui va distribuer la parole, qui va avoir la police de l'audience, qui va ouvrir les micros. Donc c'est vraiment la justice elle-même qui se met en scène. C'est pas l'œil de la caméra ou l'œil d'un réalisateur, Sylvie Lindeberg. Alors c'est toujours un peu le cas, dans la mesure où la caméra intervient dans une dramaturgie qui a été réglée par la justice et qui a été réglée par le droit. Mais dans le cadre de cette scénographie, et effectivement c'est le président, mais c'est aussi le procureur qui construit son dossier d'accusation en choisissant telle ou telle stratégie d'accusation, telle ou telle dramaturgie, qui règle les principaux moments et au fond le récit judiciaire tel qu'il va se dérouler. Dans le même temps, la caméra, elle, elle ne va pas pouvoir rendre compte fidèlement de tout. Hein. D'abord, je l'ai dit, parce que la caméra va présenter un récit fragmenté, et le réalisateur, de toute façon, va lui aussi, ou a souvent la possibilité, c'était le cas au moment du procès Eichmann notamment, de construire un autre récit. Et il faut bien comprendre qu'un récit filmé, c'est toujours non pas le procès lui-même tel qu'il s'est déroulé dans la salle, mais le film du procès, les images du procès. Et donc, quel que soit, je dirais, le dispositif qui va être choisi, il y aura des choix. Il y aura des choix de cadrage, il y aura des choix de montage, et donc cette seconde mise en scène va se superposer à celle qui a été mise en place par le président, qui a beaucoup de pouvoir, y compris sur la décision de filmer ou non, mais également par les différents protagonistes de ce procès. Mais comment échapper à l'écueil que le procès du 13 novembre, des attentats du 13 novembre, ne soit pas à la fois un procès médiatique et historique? C'est-à-dire que il y a 14 accusés dans le box, on pourrait dire pénalement c'est leur procès, mais en fait ça va être le procès des parties civiles, des 300 avocats, de toutes les victimes. Donc même si on a mis 8 caméras et 50 micros et qu'on borne les choses très nettement, de l'émotion va surgir là où on l'attend pas, ou là où on l'attend justement peut-être. Il le sera nécessairement. On peut quand même faire une comparaison avec ce qui s'est passé au moment de Nuremberg, puisqu'on était à quelques mois de l'issue de la guerre, et l'émotion était là, de la part notamment des témoins, même si elle était canalisée dans le cadre d'un procès très solennel et très... très rigide du point de vue du droit. Donc, il y aura nécessairement des moments d'émotion, sans doute certains attendus et d'autres inattendus. Et la question qui se pose, c'est de savoir si l'image va rendre compte de ce qui se joue à ce moment-là, et d'un procès qui va être véritablement sous les feux de l'actualité et lié à des enjeux politiques qui sont tout à fait évidents, surtout dans le contexte dans lequel va se dérouler ce procès très long par ailleurs. Et l'image doit, d'une certaine manière, rendre compte aussi de cette émotion-là. Donc évidemment, l'idée de la neutralité et de l'objectivité, à partir du moment où il y a des moments d'émotion, la caméra doit être là pour en rendre compte. Mais on s'inscrit dans un cadre extrêmement rigide, l'émotion, elle peut jaillir de la salle, des parties civiles, des témoins, à un moment où, évidemment, ils ne sont pas en train de parler, ils sont dans l'écoute. Alors, pour les spectateurs, ils sont tout le temps dans l'écoute, sauf s'ils interviennent directement. Et voilà, donc toute cette partie-là pourrait être hors cadre, pourrait être hors champ. Et donc, ce n'est pas ici l'image qui va... dramatiser à outrance ce qui est en train de se passer, mais qui doit en rendre compte. Et on sait bien que un prétoire, c'est pas seulement, se résume pas à la parole et aux mots qui sont prononcés, mais bien évidemment à cet être ensemble des protagonistes qui sont dans le prétoire et qui interagissent les uns avec les autres. Alors, l'historienne que vous êtes, Sylvie Lindeberg, vous avez ouvert déjà une perspective historique avec Nuremberg, que vous avez cité, et Eichmann. Revenons d'abord à Nuremberg, 1945. Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant des plus grands criminels de guerre, de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes. Dans une salle comble, où le vrai public est formé par les millions de victimes du nazisme, le procureur lit l'acte d'accusation. On a rassemblé ici 20 responsables, gibier de choix, dont la plus grosse pièce, un peu amaigrie pourtant, est Göring. Et là, je découvre dans vos écrits que c'est John Ford, le réalisateur, qui met le service de sa propre société de production audiovisuelle au service donc du procès. Racontez-moi un peu comment ça se passe avec John Ford. Alors, John Ford est à la tête d'une unité cinématographique qui s'appelle la Field Photographic Branch, qu'il a créée en septembre 1941 au sein de l'OSS. L'OSS, c'est l'agence de renseignement des États-Unis, l'ancêtre de la CIA, qui est dirigée à l'époque par un général flamboyant, visionnaire, qui s'appelle Bill Donovan. Et Bill Donovan va mettre son agence au service du procureur général des États-Unis, Robert Jackson. Donc, dans ce cadre-là, il va faire travailler des architectes, des historiens, des sociologues, et également l'équipe de John Ford, car l'image va jouer un rôle considérable dans la préparation et dans la scénographie du procès de Nuremberg. L'équipe de John Ford va être notamment chargé de rechercher des images permettant de prouver les crimes nazis et d'assembler ces films. À l'origine, elle était également missionnée pour filmer le procès et elle est allée relativement loin dans la préparation, mais finalement, la Field Photographic Branch de Ford a été déchargée de cette mission en septembre 1945 et le filmage est confié finalement aux opérateurs militaires du Signal Corps. C'est pas innocent que ça soit des militaires qui filment, parce que l'image même de grand criminel de guerre à l'image interrogée, c'est une sanction déjà. C'est une autre valeur qu'un simple procès pour l'histoire. Alors, on est, il faut le rappeler, à quelques mois de la fin de la guerre. Donc, pour le coup, c'est un procès à chaud qui a évidemment pour principale vocation affichée d'établir un verdict et une sentence contre les accusés, qui sont les derniers grand dirigeant en vie ou que les alliés aient pu retrouver du régime nazi. Mais dans le même temps, ce procès dépasse très largement le sort de ces accusés. Alors, pour, je dirais, suivre des enjeux qui sont fondamentalement politiques, pédagogiques et qui incluent notamment aussi la dénazification de l'Allemagne et également propagandiste du côté des Américains qui sont vraiment les maîtres d'œuvre de ce procès, puisque à travers le procès des leaders nazis, les Américains tentent aussi de vanter les valeurs de leur démocratie et de leur justice. Donc, les enjeux politiques sont très fortement affirmés dans le cadre du procès de Nuremberg qui dépasse le cas des seuls accusés. Et par ailleurs, il y a déjà cette idée de conserver des traces pour l'histoire. C'est l'originalité finalement de ce procès de Nuremberg, c'est que on va filmer un procès pendant 10 mois, ce qui est considérable, non seulement pour alimenter les journaux d'actualité, mais également pour conserver des traces pour les générations futures, Jackson ayant comme idée principale que ce procès doit aussi servir à garantir la paix par le droit international. Et cette idée-là, cette philosophie de la loi, il veut à la fois la divulguer auprès de l'opinion mondiale et également qu'elle serve pour former les nouvelles générations. Interrogatoire d'Adolf Eichmann au début de son procès à Jérusalem en 1961. 16 ans après Nuremberg, 1961, Jérusalem, Eichmann, le penseur de la solution finale, est lui aussi dans un box, est lui aussi filmé. Comment Israël met en scène, d'abord, on va dire, la capture, mais ensuite ce procès? Parce que la télévision, à l'époque, ça n'existe pas en Israël. Non, on est vraiment dans une toute autre configuration. Si on parle de mise en scène, la comparaison avec le procès de Nuremberg est très édifiante. Si on compare le procès Eichmann avec le procès de Nuremberg, on s'aperçoit que la dramaturgie du procès est totalement différente. Jackson avait en effet décidé de construire le dossier d'accusation sur la lecture des documents nazis, contrairement à ce que lui avait suggéré Bill Donovan, qui lui, au contraire, pensait que pour que le procès ait une influence auprès de l'opinion et donc des médias, il fallait mettre l'accent sur les témoins dont la parole permettrait d'incarner ce qu'il appelait le grand drame moral de Nuremberg. Donc le procureur Hausner prend acte de l'échec, de la dramaturgie de Jackson, qui a fondé la construction du dossier d'accusation sur la lecture des documents nazis. Et cette stratégie, comme Donovan le redoutait, a eu pour effet d'ennuyer la presse, qui a assez vite quitté le prétoire et n'est revenue pour les grands moments attendus des audiences. Et Hausner va donc décider de construire le récit du procès autour d'un cœur de témoins, de survivants de la Shoah, qui vont pouvoir incarner la tragédie des Juifs d'Europe. Et ce choix stratégique est vraiment fondamental parce que ce sont les témoignages de ces survivants à Jérusalem qui vont véritablement créer un électrochoc dans la population israélienne. Alors, par le biais essentiellement de la radio, puisque, comme vous l'avez précisé, la télévision n'existe pas encore en Israël. Ce procès-là permet aussi à Israël d'intégrer les survivants de la Shoah à son histoire, alors que quand ils sont rentrés en 1945, certains ont été mis de côté parce que n'ayant pas été assez combatifs par rapport aux nazis. Donc tout d'un coup, c'est quasiment une réconciliation nationale qui s'opère avec le procès Eichmann. Oui, le procès Eichmann va véritablement être un tournant majeur dans l'histoire d'Israël et sa manière d'intégrer le passé qui est l'extermination des Juifs d'Europe. Le témoignage de ces survivants va permettre de changer le regard des Israéliens sur cet événement-là, qui jusqu'ici a été plutôt centré sur la résistance dans le ghetto de Varsovie ou effectivement la résistance juive. Et désormais, le regard va changer et c'est vraiment un moment majeur dans l'histoire d'Israël. C'est également, comme le dit le Premier ministre Ben-Gourion, au fond, le Nuremberg du peuple juif. Mais cette scénographie choisie par le procureur Hausner va être, rehaussée par les choix du réalisateur qui a la charge d'enregistrer cette fois-ci la totalité du procès, intégralement filmé en vidéo et essentiellement pour les besoins de la télévision, donc non pas la télévision israélienne, puisqu'elle n'existe pas encore en Israël, mais de la télévision américaine et également de la télévision allemande, qui vont très largement relayer à une fréquence quotidienne ou hebdomadaire ce qui se passe dans le prétoire de Jérusalem. Septembre 2021, salle d'audience des procès des attentats de 2015. 8 caméras, 50 micros, plan de coupe autorisé entre la personne qui parle et le président qui l'écoute. Est-ce que vous auriez aimé être en régie, Philippe Labrune? Oui. Ah oui, pourquoi pas. 8 caméras, c'est du luxe, hein. 50 micros, bon, ça veut rien dire parce que de toute façon, un micro est toujours un seul micro est ouvert. Donc, après 8 caméras, pour filmer une seule personne qui parle ou une deuxième en plan de coupe, hein, c'est luxueux, oui, c'est sûr, hein. Bon, à l'époque, il y a 24 ans, les caméras numériques robotisées valaient un bras. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'on en a eu que 4. Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Procès Papon, 1997. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. La cour a finalement décidé de faire examiner l'accusé par des experts médicaux qui rendront demain leurs conclusions. Avant même que les jurés n'aient été tirés au sort, le procès Papon a commencé par une passe d'armes. Bordeaux, 1997, procès Papon, salle de la régie, à l'intérieur, vous, Philippe Labrune, vous êtes réalisateur et vous filmez pour les Archives nationales à l'époque. Qu'est-ce que vous avez gardé comme souvenir de cette expérience qui initialement devait durer 2 mois et qui en a duré 6? Je me rappellerai très bien de certaines parties civiles, leur déposition, leur comportement, leur regard, leur pas jusqu'à la barre. Donc il est difficile pour moi d'extraire. Ce serait humiliant pour les 400 heures d'image et tous ces témoins. Parce que c'était pour eux 50 ans d'attente. Moi, je me rappelle très bien d'un vieux monsieur qui est venu et qui a dit, en regardant Maurice Papon, « Je suis plus vieux que vous. Si je suis encore vivant, c'est parce que j'ai attendu pendant toutes ces années ce moment que je puisse me présenter devant vous. » Et il nous a raconté le souvenir des traces de ses sabots dans la neige dans un camp de concentration. Et ses paroles résonnent. Ce que vous avez vécu en 1997, pendant 6 mois, c'était un voyage ? C'était une aventure. Alors, c'était un voyage dans le temps, parce que c'était le présent qui remontait vers un passé, peut-être parfois un passé imparfait, où c'était aussi l'histoire qui nous rejoignait dans un temps présent. Donc, c'était la confrontation de deux temps. Ça a été une aventure temporelle, une belle aventure intellectuelle, culturelle, avec des historiens de qualité, des avocats magnifiques, un traitement du dossier, enfin, des temps de parole respectés. Enfin, donc ça, pour ça, ça a été une belle aventure, je le définis comme ça, parce que ça permet de se confronter à... Enfin, moi, personnellement, ça m'a permis de me confronter à tout ce que j'aime dans mon travail, c'est-à-dire la rigueur, le respect. Oui, c'était une chouette aventure, une belle aventure. Ouais. Faisons un flashback, Philippe Labrune. Comment vous vous préparez ? Donc, je me rappelle très bien, j'ai encore les dates. Juillet, j'écris en me disant, mais qu'est-ce que je vais écrire ? Parce que j'avais écrit pour des documentaires. Qui consulter ? Parce que qui avait l'expérience d'un grand procès ? Il n'y en avait que deux. Le réalisateur du procès Barbie, le réalisateur du procès Touvier. Donc je suis parti du principe, et j'ai retrouvé ma note de réalisation de l'époque, je suis reparti du principe que, en fin de compte, il y avait plusieurs types d'écriture, l'écriture reportage, l'écriture documentaire, l'écriture fiction, que ce que j'allais faire allait être un peu un ensemble de tout ça, au terme de la narration, c'est-à-dire, certes, c'est une salle d'audience, ça ressemble à une espèce de théâtre, il y a des acteurs, on va dire, il y a des avocats qui savent se comporter comme des acteurs, qui savent poser leur voix. Mais mes caméras étaient des caméras qui allaient enregistrer, mais qui allaient subir. Donc on est plutôt dans une caméra de type reportage. Mais comme j'avais pu faire des répétitions, donc une caméra qui anticipe, j'étais plutôt dans une dimension aussi documentaire. Donc j'ai écrit ma note d'intention en ayant toujours à l'idée, en défendant toujours cette notion d'objectivité, en s'interdisant certaines choses, en étant persuadé que c'était neutralité, impartialité qui devait être toujours au rendez-vous, et en sachant aussi pertinemment que l'objectivité n'est que subjective, parce que dès qu'on pose un cadre, eh ben on fait un choix. Et donc, est-ce qu'on peut dire que la caméra est objective si on commence déjà à poser un cadre? Alors, j'ai encore sous les yeux le dossier d'appel d'offres qui date de 97 et il est dit « Conditions générales d'enregistrement, article 6, le réalisateur procède aux enregistrements dans des conditions ne portant atteinte ni au bon déroulement des débats, ni aux droits de la défense. Il fera en sorte que la prise de vue soit aussi neutre que possible. » Aussi neutre que possible. Hein. C'est-à-dire que tâchez d'être objectif, mais enfin, si vous ne l'êtes pas totalement, on ne vous en voudra pas non plus, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc c'est impartialité, neutralité, mais enfin, bon, Je pense que ceux qui avaient écrit le dossier avaient quand même à l'esprit que la notion d'objectivité pour un caméraman, un photographe, un réalisateur, un peintre, c'est quand même assez dur à atteindre, dans le sens où dès que je pose mon regard quelque part, je vais là où j'ai envie d'aller, quoi. En 2005, Jean-Louis Comolli, le réalisateur, écrit dans Images documentaires et un article qui s'appelle Procès filmé, et il abonde dans votre sens puisqu'il dit la caméra n'est pas objective puisqu'on choisit un cadre, donc il y a du hors-champ, et ce qu'on filme n'est pas le procès mais bien la représentation du procès. C'est pour ça qu'on parle plutôt de captation plutôt que de réalisation. D'abord, partons du principe qu'on est au service de la mémoire, de l'histoire, on est au service de la justice, et que avec ces contraintes, on essaye quand même de rentrer dans une objectivité la plus complète qui soit. Mais après, il y a des aléas, une caméra qui tombe en panne, comme ça m'est arrivé, donc il faut travailler avec 3 caméras, donc on change les axes. Des petites choses qui s'invitent comme ça dans le cadre, parce qu'au bout de 6 mois, les gens dans la salle d'audience, le public, certains avaient l'impression d'être un peu dans leur salon. Et donc, des comportements, alors on essaye, j'essayais avec le caméraman qui avait en charge les 4 caméras robotisées, ben on essayait d'exclure, parce que je partais du principe que quelqu'un qui se retrouve dans le cadre d'une partie civile qui vient témoigner, qui a attendu 50 ans pour témoigner, et qui d'un seul coup se retrouve dans le cadre avec soit un avocat qui dort, soit un avocat qui se casse la figure, soit quelqu'un qui mange. Et donc, moi, je faisais en sorte toujours d'exclure ce qui pouvait être dérangeant. Alors, on va me dire, oui, mais ça peut être intéressant après dans l'analyse. Moi, je pars du principe que ça peut être un peu humiliant pour la personne qui dépose, dans le sens où, moi, je m'étais interdit, comme j'avais calqué ma façon de réaliser, comme ça se passe dans une cour d'assises. C'est-à-dire, le président Castagnette m'avait donné des cours de droit, moi je lui avais donné des cours d'audiovisuel, et on était parti du principe que dès que le témoin, la personne déposée, plus personne ne peut l'interrompre. Je suis au service de la mémoire, au service des témoins, au service de la justice, donc je montre ce qui est dit. Et je montre les personnes qui disent. Pas de place pour le scandale. Il avait été défini dès le début avec le président que le moindre problème dans la salle, toutes les caméras partaient, on avait programmé quelque chose, une touche, toutes les caméras, paf, partaient et se braquaient sur la cour. C'est-à-dire qu'aucune caméra, à ce moment-là, était tournée vers le public. Donc, il pouvait y avoir scandale, les caméras n'étaient pas au service du scandale. Radha Marinova, on a compris tout le dispositif à la fois technique et formel de la salle d'audience, mais est-ce que avant le grand jour, vous avez procédé à des répétitions ? Nous avons encore 3 réunions, ce qu'on peut appeler des marches à blanc ou des répétitions, qui vont nous permettre de tester tout notre dispositif de caméra et de micro. Ensuite, également nos enregistrements pour les archives et de l'améliorer avant le jour J. Lors d'une réunion, je suis moi-même allée me mettre dans le box des accusés et j'ai fait les 4 micros au niveau de la première rangée pour permettre à mes collègues en régie de bien orienter les caméras et de bien programmer les différents plans. Ensuite, une vraie grande marche à blanc répétition est organisée avec la cour, le parquet et l'ensemble des protagonistes du procès. Et cette marche à blanc se déroulera plutôt quelques semaines avant le procès. Ça vous a fait quoi, à titre personnel, de vous asseoir dans le box des accusés, Radha Marinova ? Écoutez, j'ai réfléchi plutôt au côté pratique. Je vous avoue que je devais en plus répondre aux questions du président d'audience, donc j'ai tâché de répondre à ces questions en parlant bien dans le micro et en me positionnant, tenant droite et orientée vers l'axe de la caméra. Donc j'ai plutôt pensé à ça qu'autre chose. Effectivement, j'espère ne jamais me retrouver dans le box des accusés. Il y a un autre dispositif qui a été mis en place ou qui devrait être mis en place, c'est une web radio à destination des parties civiles. Est-ce que vous pouvez m'en parler ? Ce que je peux vous dire, c'est que le même flux qui est enregistré qui va être nettoyé de l'image et il sera complété par des titres. Donc le flux audio qui va sortir de la régie est complété avant d'être envoyé au diffuseur qui permettra aux parties civiles de s'y connecter. Ce flux audio est complété par des titres qui précisent qui prend la parole, puisqu'on n'est pas comme à la radio avec un présentateur qui va distribuer la parole et permettre à notre auditeur de savoir de qui on parle. Donc là, on ajoute tout simplement des synthés, des titres pour permettre à notre auditeur de comprendre ce qui se passe. Est-ce que le flux est donc différé ? Le flux est différé de 30 minutes pour la web radio, pour permettre, en cas d'incident, de pouvoir éventuellement remédier à, et qu'il n'y ait pas de coupure en fait en direct. Est-ce que vous avez sensibilisé les parties civiles susceptibles d'écouter le flux radio chez elles, qu'il est illégal de l'enregistrer ? C'est une des informations principales qui sera donnée, notamment par le site web radio, pour permettre aux auditeurs de bien comprendre que c'est interdit, puisque c'est uniquement à la destination des parties civiles et à personne d'autre. Toute diffusion, enregistrement en dehors de la connexion prévue est susceptible de poursuite pénale. Pensez-vous de la volonté du garde des Sceaux actuel, Éric Dupond-Moretti, de faire œuvre de pédagogie pour une plus grande transparence pour le contribuable ou le justiciable, c'est-à-dire filmer des procès, même des procès d'assises ? Sylvie Lindeberg. Alors là, on est véritablement dans une autre logique que celle de la loi Badinter. On parle ici de procès historique. Alors les premiers, ce sont des procès qui avaient des enjeux essentiellement pédagogiques et mémoriels, hein, puisque le procès Barbie a été organisé plus de 40 ans après les événements. Donc on était là dans le cadre de procès qui avaient des buts bien particuliers, au fond, qui dépassaient par leurs enjeux le cas individuel des accusés, pour agir au fond sur la société, construire sa mémoire et produire un récit du passé. Dans le cadre des procès récents liés aux attentats terroristes, là, effectivement, le temps entre l'événement et son jugement s'est totalement raccourci, donc on est déjà dans une autre logique, mais toujours dans l'idée, au fond, que ce sont des procès qui ont des visées, au fond, qui travaillent en profondeur toute la communauté. Il s'agit ici, véritablement, de faire un procès qui aura aussi une fonction cathartique, en quelque sorte. Dans le cas de la loi Dupond-Moretti, il s'agit bien plutôt d'enregistrer l'ordinaire de la justice et la justice ordinaire. Et là vont se poser toute une série de questions fondamentales, parce que on va aussi faire intervenir un nouvel acteur qui sera la télévision, dans un cadre qui n'est pas encore très défini, mais qui va profondément changer la visée et l'adresse de ces images, puisqu'il s'agira désormais de raccourcir le délai entre le moment où on prend les images et le moment où on les diffuse, hein, même si la loi prévoit que ces images seront diffusées à l'issue du jugement. Néanmoins, on n'est plus du tout dans la même logique, on n'est plus dans la logique de l'archive. L'idée de base peut tout à fait se défendre, il s'agisse de rapprocher les citoyens d'une justice qui est relativement lointaine et de faire œuvre au fond de pédagogie, mais les moyens de le faire, de mon point de vue, n'ont pas été pensés de très nombreuses questions vont se poser, non seulement qui va filmer les images avec quel type de contrôle, mais également comment va-t-on les filmer, puisqu'en effet là on n'est plus dans la logique de l'archive et du coup la mission dévolue à l'image change, donc a priori les formes d'enregistrement vont également changé, mais tout ceci, à l'heure qu'il est, n'a pas encore véritablement été pensé. À titre personnel, presque en tant que spectateur, vu que vous êtes un professionnel de l'audiovisuel, David Martin, est-ce que filmer la justice, c'est un souhait que vous voulez ? Est-ce que vous voulez un jour regarder une chaîne Histoire, une chaîne justice dans laquelle on verrait des procès récents, plus anciens? Est-ce que ça va dans le bon sens d'une transparence pour que le citoyen, le contribuable, comprenne mieux peut-être comment fonctionne la justice? Alors oui, moi j'ai réponse claire. J'ai très envie qu'on ouvre plus cette image de la justice. Alors l'idée, c'est pas de faire de tomber dans l'image spectacle, et c'est toute la difficulté et le combat qu'il y a aujourd'hui. C'est justement, si on ouvre le robinet, comment on va le gérer et comment on va faire une cohérence. Et c'est pour ça aussi qu'on travaille sur ces cahiers des charges un peu administratifs, mais qui doivent nous permettre en fait de poser des règles et d'avoir une cohérence si un jour on libère en fait cette image. Mais on voit bien, nous, dans le travail qu'on fait avec la justice, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, l'image de la justice, elle n'est pas assez visible. On se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment fonctionne un procès, qui ne savent pas comment ça se passe, que beaucoup de procès sont publics, sont ouverts, qui peuvent venir voir les débats. Et donc, je pense que c'est important de sensibiliser les gens et qu'il y ait un accès plus facile, effectivement, à cette image. Des débats filmés pour les Archives nationales avec Rada Marinova, responsable audiovisuelle au ministère de la Justice, David Martin, prestataire de service, l'historienne Sylvie Lindeberg, le réalisateur Philippe Labrune qui filma le procès Papon en 1997 et l'avocate Elena Christidis. Remerciements Magali Taupin du ministère de la Justice. La série documentaire, mixage Cédric Chatelus, réalisation Je libère ici, un documentaire de Michel Pomared. Avocate, partie civile, victime, juge, défenseur, assesseur, juré et témoin, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter au tribunal, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Bolivier, Anaï Morales et Annelise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous irons faire un tour dans nos cités ordinaires. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.